ouais. C'est pour tous les mecs d'en bas, ouais, ouais, ouais, ouais. Les bobos, les bourgeois, ouais, ouais, ouais, ouais. Même dans la misère, on garde la foi, ouais, ouais, ouais, ouais. Check moi, c'était comme moi. Saint Dieu, Saint Dieu, Saint Dieu. Quand j'étais petit, je voulais un féfé tout blanc. Maintenant, je veux le garage qui va avec. S'il y a des ennemis qui rêvent de me faire dans l'ombre, dis-leur que j'aime pas la lumière. Vas-y, dis-moi. Je bronzais dans les beaux jardins, à la base y'avait trop de béton. Vas-y, dis-moi. J'allais, j'allais, j'fais les photos dans les endroits qui sont pas trop embêtants. Oh. Crois pas qu'on est tous pareils, ouais. Même si on est d'accord la veille, ouais. Du sous-sol au rooftop, tous paye, ouais. Tu la rayes, ouais. J'te raye, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pour tous les mecs d'en bas, ouais, ouais, ouais, ouais. Les bobos, les bourgeois, ouais, ouais, ouais, ouais. Même dans la misère, on garde la foi, ouais, ouais, ouais, ouais. Check moi, c'était comme moi. Pas du gain, pas du gain, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Big class, rien de gain impossible. Je peux chanter la dollar, tous les bons lézards. Je fais la vie, collant, j'ai vu sa courroie. Si je fais mes fais un petit pétou. J'ai une big back, un point c'est tout. C'est vrai que ça a changé, y'a eu du surclassement. Je veux moins me promener vers Saint Pompidou. Crois pas qu'on est tous pareils, ouais. Même si on est d'accord la veille, ouais. Du sous-sol au rooftop, tous paye, ouais. Tu la rayes, ouais. J'te raye, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pour tous les mecs d'en bas, ouais, ouais, ouais, ouais. Les bobos, les bourgeois, ouais, ouais, ouais, ouais. Même dans la misère, on garde la foi, ouais, ouais, ouais, ouais. Check moi, c'était comme moi. Saint Dieu, Saint Dieu. J'compte pas les centimes, j'compte pas ce que je peux faire par amour. J'contrôle mes sentiments, les pertes me rendent parano. J'ai vu la vente, le crime, j'ai fait des années devant la tour. Ma TN frotte le ciment sur Paris, j'dis pas un mot. Est-ce qu'il faut que je te dise que ma main pleure, qu'elle vieillit, que je vois ses cernes? Est-ce qu'il faut que je te dise que je pense à elle, à chacun de mes concerts? Mon cœur s'abîme, j'suis un peu perdu en ce qui me concerne. Mais j'ai pas de mal à dire que j'suis mieux seul, que les autres me déconcentrent. Est-ce qu'il faut que je te dise qu'avec mes frères c'est compliqué? Qu'avec le temps on prend de l'âge, j'ai plus les mêmes mentalités. Remonter le temps c'est mort, j'ai fait des choix, j'dois vivre avec. Ah, j'peux pas tout dire, c'est mieux j'arrête. J'compte pas les centimes, j'compte pas ce que j'peux faire par amour. J'contrôle mes sentiments, les pertes me rendent parano. J'ai vu la vente, le crime, j'ai fait des années devant la tour. Ma TN frotte le ciment sur Paris, j'dis pas un mot. J'compte pas les centimes, j'compte pas ce que j'peux faire par amour. J'contrôle mes sentiments, les pertes me rendent parano. J'ai vu la vente, le crime, j'ai fait des années devant la tour. Ma TN frotte le ciment sur Paris, j'dis pas un mot. Même si s'il te plaît, viens parle-moi. J'peux pas te parler de ma vie, gros, qui me comprend à part moi. Parle-moi, même si s'il te plaît, viens parle-moi. J'peux pas te parler de ma vie, gros, qui me comprend à part moi. Je me suis toujours promis de rester le même, de jamais m'égarer. Sur la rue du succès, j'ai enfin trouvé place pour me garer. Ma rue, j'peux pas m'en séparer, j'la kiffe jusqu'en devenir taré. Plus de ronds donc c'est carré, j'fume un cigare, pas de cigarette. J'tourne en rond à croire, j'suis au milieu d'un cyclone. À mon âge, mon daron avait déjà six gosses. J'compte pas ce que j'fais pas amour jusqu'à ce que tu me quittes pour un autre. On fera pas moite moite sur la note. On retourne même pas pour mes loves. Hey, hey, hey, hey. Le temps est mauvais. Je suis en bas, j'attends que ma chance vienne juste pour m'enlever. Il fait noir, j'avance à fond, les phares éteints. Je sais que je laisserai tout ici-bas. Mais nique sa mère, faut que je fasse des tales. J'compte pas les centimes, j'compte pas ce que je peux faire par amour. J'contrôle mes sentiments, les pertes me rendent parano. J'ai vu la vente, le crime, j'ai fait des années devant la tour. Ma TN frotte le ciment sur Paris, j'dis pas un mot. Pas un mot, même si s'il te plaît, viens parle-moi. J'peux pas te parler de ma vie, gros, qui me comprend à part moi. Même dis s'il te plaît, viens parle-moi. J'peux pas te parler de ma vie, gros, qui me comprend à part.

au BBL sous la wash. Si c'est pas pour like, pourquoi tu look? On est des businessman. Toi t'es endetté, donc tu n'as mal. On est des businessman. Toi t'es endetté, donc tu n'as mal. Y'a rien de mauvais, y'a rien de mauvais, on s'en fout des autres. Le ghetto m'embellit, moi j'voulais des sous, pas rendre jaloux les autres. C'est que du passé, ils ont changé de face, j'ai changé des codes. Moi j'vais jamais donner, et pour gérer le bis, j'ai musclé les épaules. Évidemment, tu sens beaucoup à nous t'aimer. Évidemment, t'aimes rappeler de grand schéma. J'ai ramené de fer au Tchéka. C'est moi qui tiens la manette. Sans paquet, sans paquet, tout le monde sait. Même le fer et les méchants, frère. C'est à Dieu qu'il faut demander. Ouais, ouais, c'est fort. L'oseille l'a aveuglé, me jette un sort, mais je m'en sors. L'équipe est au campé, j'ai mis les clés dans le motorsport. 400 chevaux, on va niquer le hell, a même pas le temps de la S mis à mort. Ça recommence encore, ouais, c'est fort. J'ai sorti une bête, j'peux la rayer. La carte grise est à Wam, rien qu'on achète, même plus le temps d'essayer. Il me faut un peu plus de cap à Wam. Dans les cas, ça fait trop longtemps qu'on connaît ça. Un petit petit Chanel, des boîtes orange, une machine pour compter les faf. Oh vieux moron, c'est comment t'es pas concentrado. Le bébé de la petite t'a fait bugger. Elle aime les salauds, les neufs, les Raoul. Les plus en plus tard pour débuter une regain. Une écurie dans le moteur, juste en aller sans retour. Et là-bas ils sont tubards, c'est pas des go. C'est pas une tabac, c'est balourd, pas max. C'est un paquet, tout le monde sait. Même le fer il est méchant, frère. C'est à Dieu qu'il faut demander. Ouais, ouais, c'est fort. L'oseille l'a aveuglé, me jette un sort, mais je m'en sors. L'équipe est au campé, j'ai mis les clés dans le motorsport. 400 chevaux, on va niquer le hell, a même pas le temps de la S mis à mort. Ça recommence encore, ouais c'est fort. Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici pas d'hirondelles, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Baby tu me loues, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils. T'es ma dulcinée. Jolie bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Jolie bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Je te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans mes pensées. L'impression que je suis bloqué. Mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire. Tu seras la merde. Même homme, toi t'es pas comme les autres. Coco Chanel, Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire éviter. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai est qu'une irritation, ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Tu